Chapitre 13. Le lendemain, nos amis quittèrent la maison des pèlerins au premier rayon du soleil. Ils étaient avides de courir en liberté et voulaient tout connaître. Après une promenade qui les ramena au monastère, mourant de faim, ils apprirent que le père Arsène les avait envoyés chercher pour prendre le thé. Ils coururent en hâte à ce que l'archimandrite appelait sa cellule, et qui était en réalité une jolie petite maison à deux étages au-dessus d'un rez-de-chaussée, construite en briques, claire, nette et toute parfumée d'une bonne odeur d'encens vieilli, attachée aux habits et aux meubles pendant de longues années. Le moine les attendait dans sa petite salle à manger, où le samovar bouillait joyeusement et envoyait des torrents de vapeur jusque sur les vitres. Des petits pains ronds d'une blancheur extraordinaire remplissaient une corbeille, et pour ne pas soumettre ses hôtes aux maigres du couvent, le père Arsène avait fait apporter du beurre et de la crème, produits réservés seulement aux malades et aux infirmes. Nos amis firent honneur au déjeuner, après quoi Démian, par la musique, comme c'était naturel. « Qu'est-ce que tu dis de mes chantres ?» demanda l'archimandrite, heureux de pouvoir enfin poser cette question dont la veille il n'avait pas voulu entendre la réponse. « C'est magnifique, c'est... Je ne peux pas dire ce que c'est. Je me sens bien peu de choses avec mon misérable violon auprès de la voix humaine, de ces voix merveilleuses. Où avez-vous trouvé ces voix-là, père Arsène ?»« Je ne les ai pas trouvées, elles sont venues toutes seules. Tout le monde chante juste ici. » « Oui, mais il y a autre chose que la justesse des voix, il y a quelque chose que je ne peux ni nommer ni définir, qui fait qu'une voix ne ressemble pas à une autre et que chez vous on chante mille fois mieux qu'au séminaire. » Le père Arsène posa gravement sa main sur l'épaule du jeune homme. « Il y a autre chose en effet, mon ami. Quand tu auras trouvé cela sur ton violon, quand il chantera comme mes hommes ont chanté hier soir, comme ils chantent tous les jours du reste, tu seras un grand artiste. » Alors seulement. Si jamais tu deviens orgueilleux, et tu le seras, car le péché d'orgueil est l'essence même de notre nature, souviens-toi des cœurs de mes religieux. » Démian était resté pensif. Le père Arsène sourit. « Allons, viens voir mes peintures là-haut, » dit-il d'un ton fort encourageant. Nos amis le suivirent dans l'escalier. Le premier étage se composait de deux pièces et un cabinet de toilette, convenablement meublé, quoique sans luxe. C'était l'appartement de l'évêque quand il venait en tournée pastorale. L'archimandrite occupait au-dessus un logement disposé de même, mais beaucoup plus petit et plus humble. Comme Démian s'étonnait de l'exiguïté de ses pièces, le vieillard ouvrit une petite porte qui donnait dans un couloir obscur, puis une autre porte, et les jeunes gens qui l'avaient suivi se trouvèrent dans une sorte de loggia qui dominait toute la plaine et la vallée de la Bérésina. « Voilà, » dit le père Arsène. « Ma promenade, les jours où je ne puis pas sortir quand j'ai la goutte. Croyez-vous que cela vaille bien quelques mètres carrés de plus en superficie dans mon appartement ?» Démian ne pouvait se lasser de contempler le paysage doré par l'automne. Les grands sapins noirs tranchaient sur les masses jaunes pâles des bouleaux grêles, sur la verdure effacée des prairies, et ses yeux se repaissaient de couleurs et de formes, comme à l'église ses oreilles s'étaient enivrées de musique. Il sentait mille choses nouvelles qu'il ignorait, qu'il ne pouvait même deviner, mais dont l'intuition confuse le jetait dans une sorte d'extase troublée. Comme il se retournait pour adresser une question, il fut tout surpris de voir les murs de la loggia couverts de peinture, et oubliant ce qu'il voulait demander, il s'approcha pour les mieux examiner. C'était la reproduction exacte du paysage qu'il avait sous les yeux, la petite rivière, le pont démantelé, la plaine, et les routes blanchâtres qui escaladaient les collines, tout était là. Mais sur le coteau, l'artiste avait mis une batterie d'artillerie. Dans la plaine, des bataillons. Combattants et cadavres, tout était terni, usé par le temps. Mais une sincérité extraordinaire donnait à cette œuvre, plus semblable à une enluminure qu'à un tableau, un aspect saisissant qui provoquait l'attention presque brutalement. « C'est la bataille, » dit l'archimandrite qui avait suivi le mouvement de Démian. « Quelle bataille ?» Celle qui a respecté la face du Sauveur sur la porte du monastère et qui nous a laissé tant de cadavres à ensevelir. L'an 12 ? Le père Arsène fit un signe de tête affirmatif. L'an 12, tel est le nom sous lequel les Russes désignent sans périphrase et sans adjectif la sanglante épopée. Ces deux mots évoquent aussitôt un monde de souvenirs et de pensées. Et après 60 ans, on est surpris d'en trouver la trace encore fumante dans le cœur des paysans et des humbles. Mais comment se fait-il qu'on ait eu l'idée de peindre là, à cet endroit exposé au vent et à la neige, trois tableaux grands chacun comme une chambre ? Cela a été fait pendant la bataille, répondit le père Arsène. Quand le malheur arriva, l'archimandrite de ce temps-là avait fait venir un peintre de je ne sais où pour réparer les fresques de notre église qui étaient très endommagées. L'artiste était au monastère depuis quelques mois et travaillait tous les jours un peu lorsque l'armée française, dans sa retraite, passa près d'ici. Nous fûmes bloqués, lui avec nous. Il était monté à ce belvédère pour voir le spectacle du combat, et il trouva cela si beau, si héroïque, qu'il alla chercher ses pinceaux et retraça à la hâte, sur le mur revêtu de plâtre, les scènes qu'il avait sous les yeux. Vous voyez ici les uniformes des Français, là les capotes grises des nôtres, ce général là-bas a la tête remplacée par un biscaïen, que vous voyez dans le mur, sur ses épaules. Demian alla voir le biscaïen qui avait emporté un morceau du paysage. Eh bien, le peintre y travaillait au moment où le projectile vint frapper le mur. Comment ne fut-il pas blessé ? Il était dans les desseins de la Providence de l'avertir de son imprudence sans le frapper. Cet homme resta néanmoins et termina son œuvre au milieu d'une grêle de mitraille, car il servait de point de mire. Il ne s'en apercevait même pas, m'a-t-on dit, tant l'ardeur du travail le détachait du monde entier, et il ne quitta le pinceau que lorsqu'il ne lui resta plus un pouce de muraille à couvrir. Demian écoutait, les yeux grands ouverts. « Je comprends cela, » dit-il avec enthousiasme. « Il ne songeait qu'à la peinture. Vois-tu, Victor, cela aussi, c'est la vocation. Je voudrais être cet homme. Il aimait son art. » « Ce n'était pas un grand artiste, cependant, » ajouta le père Arsène avec un sourire. « Mais c'était un homme convaincu, et voyez, la main divine a préservé son œuvre, car après 50 années, elle est presque telle qu'au premier jour. » « La peinture reste, » murmura Demian, « la musique s'envole. »« Te voilà jaloux, » fit l'archimandrite en lui pinçant l'oreille. « La musique reste puisqu'on l'imprime, et que tout le monde peut ou la jouer ou l'entendre, tandis que si tu n'étais pas venu ici, tu n'aurais pu voir ces peintures. »« Oui, » soupira le jeune homme. « Le compositeur survit, mais le pauvre exécutant. »« Pas d'ambition, mon fils, pas d'ambition. Contente-toi si tu ne peux faire mieux. » De procurer quelques moments de pure jouissance à ceux qui t'écoutent, et n'envie pas ce que tu ne peux pas atteindre. Ce serait un mauvais sentiment. » Ils redescendirent, et quelques heures après, la diligence emporta les deux frères sur la route de Moscou.